qui veut traverser, de Marc-Emmanuel Soriano. Épisode 3. Non, sur la plage, il y en a un qui regarde le jour décliner, se disant qu'il partira à cet instant, à l'instant où les ténèbres envoient au-dessus de la mer leur orange messager prévenir les hommes de leur arrivée, car on dit que c'est le soir qu'il faut partir. Une habitude de pêcheur peut-être, se disant donc que dans cette lumière, à cet endroit, il partira vraiment. Il quittera sa terre, il sera en route pour l'ultime étape. Le chat de l'aiguille sera en vue. Le chat de l'aiguille, oui, passera, il le sait, comme d'autres avant lui. Il regarde l'eau briller et la côte noircir à mesure que sombre le couchant. À cet instant donc, il y en a un autre. Non, il y a tout un groupe qui s'agite les pieds dans l'eau, qui crie, qui fait des gestes, parce qu'une chose inhabituelle, oui, il le voit maintenant, un corps que l'on tire vers la plage, que l'on traîne sur le sable avec peine, et qui ne bouge plus une fois déposé. En cet instant, donc, il y en a un qui court, lui qui contemplait naguère le couchant, qui court en direction du corps. Que s'est-il passé, crie-t-il, qui est-ce? Il y en a d'autres, lui dit un villageois en montrant le large. Oui, dans la lumière déclinante, on aperçoit des masses flottantes ici et là. Ce sont ceux des bateaux. Un qui a dû se retourner pendant la tempête. C'est déjà arrivé. Ils sont partis trop vite, voilà. Ils ont acheté la mort. Au-dessus du ressac, il y a deux doigts tendus tenant une cigarette. Deux doigts rythmant de ces seuls mots, chaque objet ou forme repérée. Morceaux de rame, gilet de sauvetage avec ou sans cadavre. Sac, boîte, tongs, gouvernail, petite échelle, torche. Non, genou serré, piochant avec ses doigts dans sa poignée de riz, assailli de soleil, heureux de ne pas être de ceux qui vomissent et finissent par tomber au fond de la pirogue, heureux d'être encore assis, de pouvoir se lever quand il faut. Il regarde devant lui. Il regarde ses mains, ses bras blancs de sel. Il regarde devant lui cette femme, buste couchée sur les genoux, bras pendants le long des jambes. Il lui parle enfin. Il lui dit « Comment allez-vous, madame ?» Mais elle se tait. Il ose la toucher, posant délicatement sa main au milieu de son dos, sans résultat. « Elle est très malade, dit celui qui est à côté d'elle. On ne peut pas faire grand-chose. Elle n'est pas malade, dit le barreur. Elle a fini le voyage. On va devoir la basculer. « Madame, répète avec beaucoup plus de conviction la main, laisse tomber, regarde ce qu'elle a. Allez, il faut le faire. On attendra un peu par respect pour elle avant de la basculer, mais il faut la fouiller avant. Personne ne veut faire ça. » Le barreur trouve un remplaçant, il s'approche du corps, marmonne quelque chose en regardant le ciel, le déplie et l'allonge comme il peut, le palpe comme au commissariat, trouve quelques objets, barrettes, petits carnets, des papiers, un collier, pas d'argent. « elle en a », répète-t-il, passe tout au peigne fin. « elle en a, couture, doublure, ourlet, chaussures. » Il glisse même sa main dans ses sous-vêtements. « Arrête ça, tu préfères qu'on envoie tout au fond? Si elle a quelque chose qu'elle peut laisser à sa famille, il faut trouver. Tu me dégoûtes, on n'a pas le choix. » Mais il ne trouve rien entre ses cuisses, rien dans son sexe. Les cheveux, dit une voix. Les cheveux, non. Si, les cheveux. Elle a des tresses, oui, elle en a. Regarde bien, mais elle n'a rien. Coupe une tresse et donne, ça suffit maintenant. Vous allez la laisser. Une tresse de dessous, c'est mieux. Ça vous portera malheur. Il sort un canif et exécute. Envoie. L'expert attrape la mèche de 30 cm au moins. Il cache ce qu'il fait entre ses cuisses. Tous les visages le scrutent comme à la foire. Puis il produit enfin deux billets. Un dans chaque main, entre le pouce et l'index, deux billets savamment froissés, torsadés, que le camelot a mis deux bonnes minutes à déplier. Et il y en a d'autres, susurre-t-il, après un court silence de satisfaction. Dans d'autres circonstances, on aurait applaudi. Si vous voulez récupérer sa fortune, ça risque de prendre du temps. Il ne faut pas faire ça, on ne peut pas. Comme vous voulez, qui est pour? Seul le désigné croque-mort lève la main. Qui connaît une prière? Quelques mains timides désignent les officiants. Ils se lèvent, s'agenouillent, se prosternent. Chacun sa méthode et font l'un après l'autre entendre leur litanie. L'un psalmodie aidé par le rythme que d'autres impriment aux parois de la pirogue. L'autre parvient à faire reprendre certaines phrases par un chœur improvisé. Il y a des larmes, beaucoup, quand le corps est poussé et qu'il s'enfonce dans l'eau limpide, la barque ayant décrit autour de l'éphémère trou un cercle d'écume. Sépulture dérisoire avant de reprendre son inexorable sillon vers le bonheur. Non, il y en a un qui contemple le rivage depuis un bon moment, n'arrivant pas à détacher son regard d'un pauvre bout de ponton léché par les vagues. C'est là, dit-il, c'est là. La terre s'arrête là. Quand j'aurai sauté de là, je me serai détaché du monstre. Je savais bien que tu t'arrêtais quelque part et qu'allait commencer l'aventure. Il le dit, et il y en a un autre qui l'écoute à quelques pas, aspirant les dernières gouttes d'une canette. Je ne sais pas si tu bois la même chose que moi, et il montre sa boîte de Sprite en l'écrasant. Je ne bois que de l'eau, pourquoi ? Parce que tu dis des choses bizarres. Je me parle à moi-même, il n'y a que moi qui ai besoin de comprendre. Je vois sourire le buveur réprimant un roux. Tu surveilles la plage, questionne l'autre, il éclate de rire sans donner de réponse. Et toi ? Je cherche du travail. Quel genre ? J'ai fait des études de géographie. Tu peux travailler avec ça ? Normalement, oui. L'autre se rapproche et lui propose un soda, mais rien n'est normal dans ce pays, reprend-il après le claquement et le pchit d'ouverture. Rien, sauf ce qui ne devrait pas l'être. Tu fais de la politique, couple géographe ? Non, ma famille est pauvre et je n'ai jamais porté de fusil. Tu n'es pas pêcheur ? Je ne suis pas d'ici non plus. Je suis journaliste. Je ne peux plus rentrer sans son prix à ma famille. À ce moment précis, le ressac monte en intensité, imposant le silence comme si Neptune protestait lui aussi contre ce gouvernement. Il regarde l'eau. Tu as tenté l'aventure, finit par lâcher le géographe. Pas le choix. Déjà deux essais. La prochaine fois sera la bonne, peut-être. Tu es parti de cette plage ? Oui, pas très loin. On allait arriver, mais les gardes-côtes nous sont tombés dessus. Demi-tour. Maintenant, je m'occupe des arrivants. Je les aide. Tu peux m'aider ? Ça dépend, répond l'autre. Mais son portable sonne et il s'éloigne en faisant un geste circulaire avec son index pour dire qu'ils se reverront plus tard. L'autre se remet donc à contempler ce rivage et l'envie lui prend d'y plonger. Et il le fait, non sans avoir méticuleusement plié son maigre bagage et ses vêtements dans un sac plastique qu'il maintient au-dessus de l'eau. Il s'enfonce dans les vagues, il se lave et se lave, il se frotte, se décrasse, poussière, sueur, coups, plaies, maladies, douleurs. Tout lui semble soluble dans l'eau de cette mer, puis il plonge sa tête dans l'eau étincelante. Qui veut traverser, de Marc-Emmanuel Soriano. Lu par Jacques Bonafé. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Réalisation, Véronique Lamandour.